Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un 10e épisode d'ActuVu bien chargé. On commencera par les grands titres de la semaine, à flûter avec notre chère Guizane, en forme ce matin je l'espère. En rubrique France, sans surprise, Daniel vous donnera tous les détails sur le grand retour du 49-3 pour le vote du budget. À l'international, Nina reviendra sur la rencontre entre les émissaires russes et américains à Abu Dhabi. Et puis parlons peu, parlons éco-société avec notre expert Matteo qui fera le point sur le sommet à Davos. Corentin aura beaucoup à nous dire en culture sport, notamment avec la victoire du Sénégal à la finale de la CAN. On terminera cet épisode avec les recos de la semaine dénichés par Elsa et bien sûr par la présentation d'une école, la nôtre, le JT. Avant tout, prenons nos surligneurs avec Guizane. On ne manque pas d'actu cette semaine. Que faut-il retenir, Guizane ? En Iran, la révolte continue. La fourchette du nombre de victimes est vaste, entre 2000 et, tenez-vous bien, 20 000 morts. Le décompte est difficile. Internet a été coupé, vous le savez, pendant plus d'une semaine et fait tout juste son retour petit à petit. Le régime iranien ne déclare que quelques centaines de morts et dit que les ONG exagèrent, hein, parmi elles Iran Human Rights ou encore Human Rights Watch. Vous pouvez retrouver un point sur la situation dans nos épisodes précédents. L'Espagne est en deuil. Trois accidents ferroviaires secouent le pays. Le premier dimanche a eu lieu près d'Adamous, dans le sud du pays. Un TGV déraille, heurte le train qui arrive en face. Bilan, 45 morts et plus de 120 blessés. Le deuxième survient à peine 48 heures plus tard en Catalogne. Un train heurte un débris sur la voie. Un mort. Ça fait deux accidents mortels en à peine 48 heures. Et jamais 203. Une grue cogne un train dans la banlieue de Cartagène, au sud-est de l'Espagne. Là, pas de mort, mais quelques blessés légers. Moins 17% de naissances en Chine en 2025 par rapport à 2024, 5,6 naissances pour 1000 habitants. Du jamais vu, c'est un taux historiquement bas depuis 1949, quand les statistiques de natalité ont commencé. Cette baisse est aussi observée au Japon. Le pays a l'un des taux les plus bas de natalité au monde avec 1,4 naissances par femme. Toujours au Japon, la chambre basse du Parlement a été dissoute. Décision de la première ministre conservatrice Sanae Takaichi. Dissolution oblige, des législatives anticipées vont avoir lieu le 8 février. La chef du gouvernement espère en fait capitaliser sur sa cote de popularité pour renforcer son pouvoir. Mais un nouveau parti centriste pourrait menacer sa victoire. Valentino Garavani est mort à 93 ans. Le rouge flamboyant était sa signature, sa couleur fétiche. Le couturier italien est connu pour avoir habillé les stars, fait des femmes ses muses, un style simple et élégant. Soyez prêts maintenant, on entre dans le dur avec la rubrique France. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ! Mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. Le feuilleton politique s'est terminé ce lundi. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a employé le fameux 49-3, tant décrié Daniel. On a un budget, les amis. Bon, il a fallu attendre de longs mois et surtout un 49-3. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a pourtant pendant longtemps refusé de l'utiliser, ce fameux 49-3, pour essayer de négocier avec les autres camps politiques. Mais malgré 350 heures de débats à l'Assemblée nationale, des lois spéciales et de nombreux votes, aucun compromis n'a été trouvé. Dans les faits, trois 49-3 vont être déposés. Le premier a pour objectif de valider la partie recettes de l'État. Le second, c'est pour la partie dépenses et pour l'ensemble du texte. Et enfin, le dernier sert pour la dernière lecture du budget à l'Assemblée nationale. Deux motions de censure ont été déposées par la France Insoumise et par le Rassemblement National. Et elles ont été votées ce vendredi matin. Sans le vote des socialistes, la majorité n'a pas été atteinte et le gouvernement actuel reste en place. Lactalis au cœur des polémiques avec un nouveau rappel de produits en France et dans 17 pays. Gigoz, Pico, ce sont les produits pour nourrissons qui ne sont plus sur les rayons de supermarché. Ils ont été rappelés car ces laits infantiles contiennent potentiellement du céréulide. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une substance d'origine bactérienne qui peut être très dangereuse pour les bébés. Une enquête a été ouverte après le décès d'un nourrisson qui a consommé ces produits. Pour le moment, aucun lien n'a été établi et une plainte a été également déposée par Foodwatch pour faire la lumière sur le dossier. Bon, c'est pas la première fois que Lactalis est dans le viseur. L'entreprise est poursuivie par la justice après une contamination à la salmonelle en 2017 de plusieurs nourrissons en France. La rumeur court, l'établissement catholique de Bétharram sous la menace d'une possible fermeture. Une version clame la fermeture prochaine, l'autre la réfute. Bon, pour tout comprendre, jeudi, Pierre-Vincent Guéret, qui est le président de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, je sais, c'est long, il a dit que l'établissement des Pétarins va fermer. En revanche, le secrétariat général de l'enseignement catholique réfute cela et il n'est pas question de fermeture à ce stade, selon l'organisme. Pour rappel, l'établissement est visé par 250 plaintes, dont la moitié pour des agressions à caractère sexuel. Une indemnisation des victimes est annoncée. Prenons maintenant notre envol à l'international avec Nina, qui fête son anniversaire. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. La nouveauté de cette semaine, sur toutes les lèvres, c'est le Conseil de paix de Donald Trump. Plusieurs pays ont annoncé avoir reçu une invitation du président américain au sujet d'un Board of Peace le week-end dernier. Évidemment, sur le papier, il semble très similaire avec le fonctionnement de l'ONU, puisque créé pour œuvrer à la résolution de conflits dans le monde. La charte fondatrice a été signée jeudi en compagnie de la trentaine de pays ayant accepté. On y a donc trouvé Israël, l'Argentine, la Hongrie, le Maroc, la Turquie et l'Indonésie. Emmanuel Macron a lui refusé rapidement de l'intégrer comme d'autres pays européens. À noter qu'il faudrait débourser 1 milliard pour un siège permanent. La Russie disait, elle, étudier la proposition lundi et les États-Unis ont annoncé ensuite que le pays avait rejoint le Conseil, sans confirmation du Kremlin pour le moment. Première annonce du Conseil, le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza rouvrira dans les deux sens la semaine prochaine. Le Pentagone a aussi informé d'ailleurs ses alliés européens du prochain retrait d'environ 200 Américains de certaines structures dépendantes de l'OTAN. Donald Trump qui temporise sur le Groenland ? Mark Rutte a en quelque sorte sauvé les meubles. Après avoir rencontré Donald Trump au forum de Davos, le secrétaire général de l'OTAN semble avoir trouvé un terrain d'entente. Trump a annoncé un futur accord autour de l'acquisition du Groenland, mettant de côté la possibilité d'intervenir militairement. Il renonce ainsi à la hausse des droits de douane. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient, eux, dépêché sur place quelques dizaines de soldats pour mener une mission exploratoire et afficher leur solidarité avec le Danemark. Et des rencontres trilatérales pour une possible résolution de la guerre en Ukraine. Des délégations ukrainiennes et russes étaient à Abu Dhabi vendredi sous l'égide de l'Américain Steve Witkoff. Volodymyr Zelensky a annoncé que des garanties de sécurité avaient été négociées avec Trump lors d'un discours au forum de Davos. Il a aussi d'ailleurs critiqué ses alliés européens pour leur manque d'action. Le sujet clé reste évidemment la question des territoires de l'Est. La Russie revendique le contrôle du Donbass. C'est dans un contexte très tendu, avec des bombardements quasi continus en Ukraine, des quartiers de Kiev sans eau ni électricité. L'espoir d'une résolution du conflit reste donc mince. Les dernières discussions directes entre les deux pays n'avaient mené qu'à des échanges de prisonniers ou corps de soldats. D'autres rencontres devraient avoir lieu pour décider du sort du Donbass. En éco-société, c'était plutôt calme cette semaine, au contraire. Féministe radical et en colère. Combien ? This is Elon Musk. En 2025, la fortune des 3 000 milliardaires a augmenté trois fois plus vite que les dernières années, selon un rapport d'Oxfam. Oxfam pointe encore une fois l'écart inarrêtable entre les milliardaires et la population moyenne. On a souvent du mal à se rendre compte des échelles. Pour vous aider à comprendre la rapidité d'enrichissement, voici un exemple concret. En 24 minutes, un milliardaire gagne en moyenne l'équivalent du revenu annuel moyen d'un Français, soit 42 438 euros. Le rapport Oxfam s'intitule « Résister au règne des plus riches, défendre la liberté contre le pouvoir des milliardaires ». En effet, l'Institut estime que les milliardaires ont 4000 fois plus de chances d'occuper un poste politique que les citoyens ordinaires. Les milliardaires possèdent plus de la moitié des grands médias dans le monde et les principaux réseaux sociaux, Jeff Bezos et le Washington Post, Elon Musk et X, Vincent Bolloré et CNews, ce qui influence l'opinion publique. Le rapport précise dans le même temps que près de la moitié de la population mondiale vit dans la pauvreté. Jusqu'à vendredi, tout le gratin des plus puissants du monde économique était réuni à Davos, Matteo. La 56e édition du Forum économique mondial de Davos s'est clôturée ce vendredi 23 janvier. Durant 5 jours, dans cette station de sport d'hiver de Suisse, 3000 personnes, dont 850 patrons, ont échangé pour prendre le pouls sur l'économie mondiale. Loin du côté des entreprises, cette année, le sommet a été marqué par des tensions géopolitiques fortes entre Américains et Européens, notamment au sujet du Groenland. Cela s'est traduit notamment par une très forte passe d'armes lors des discours d'Emmanuel Macron et de Donald Trump, comme vous l'a expliqué Nina juste avant. On passe à la rubrique culture sport, particulièrement victorieuse. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoupe the ball. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'est terminée avec une finale mouvementée dimanche dernier, Corentin. Après un mois de compétition relativement peu emballant, il faut le dire, la CAN s'est achevée sur une belle affiche entre le Maroc, pays hôte et le Sénégal. Et après 80 minutes d'un football qui a manqué d'étincelles, la finale est entrée dans une nouvelle dimension. Le Sénégal pense ouvrir le score sur corner dans le temps additionnel sur une tête d'Ismaël Assar, mais le but est annulé pour une légère poussette de son coéquipier sec sur Hakimi quelques secondes auparavant. 5 minutes plus tard, le match bascule dans l'invraisemblable. Un accrochage similaire a lieu dans la surface marocaine, et après consultation de la vidéo, l'arbitre accorde un pénalty. La confusion est totale, les Sénégalais sont furieux et vont même rentrer au vestiaire, sauf une poignée d'entre eux, dont Sadio Mané, qui va rappeler ses coéquipiers après plus d'un quart d'heure de flottement. Après cette séquence jamais vue, Brahim Diaz tire le pénalty pour le Maroc et loupe sa panenka. Tout est relancé et le Sénégal va finalement s'imposer en prolongation après un superbe but de Pape Gueye. Magnifique pour le Sénégal et terrible pour le Maroc. Cette finale a également été marquée par des affrontements en tribune entre supporters, voire même avec des stadistes. On sort du surréaliste et on revient sur une certaine routine avec le Rallye Dakar. L'édition 2026 s'est achevée samedi dernier et pour la sixième fois, c'est le Qatari Nasser Al-Attiyah qui remporte l'épreuve. Le pilote en profite au passage pour offrir au constructeur Dacia son premier succès sur la course. Avec ce nouveau succès, Al-Attiyah se hisse en troisième position ex aequo avec Karel Lopré au classement des pilotes ayant remporté le plus de fois le Rallye Dakar, mais toujours assez loin du leader Stefan Peter Hansel et ses 14 succès. En parlant de record, il y en a un qui a été battu aux Oscars. La 98e cérémonie doit avoir lieu le 15 mars prochain et les nominations ont été dévoilées ce jeudi avec en tête le film Sinners réalisé par Ryan Coogler. L'audacieux long-métrage est nommé dans pas moins de 16 catégories, soit mieux que les 14 de Titanic ou encore La La Land. Pas de garantie que le record du nombre de statuettes remportées par un seul film ne soit en revanche battu, avec une rude concurrence venant notamment du film Une bataille après l'autre, nommé dans 13 catégories. A noter que le film réalisé par Paul Thomas Anderson a déjà remporté 4 distinctions aux Golden Globes et s'avance en favori pour cette édition. Vous l'avez entendu, beaucoup d'infos à retenir cette semaine. Alors pour vous aider à être incollable sur certains sujets, on vous propose d'aller un peu plus loin avec nos recommandations. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Ou concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. 3 ans après Un président, l'Europe et la guerre de Guy Lagache, il filme à nouveau au plus près d'Emmanuel Macron et de la cellule diplomatique de l'Élysée. Elsa ? En janvier 2022, le journaliste et réalisateur Guy Lagache obtient l'autorisation de suivre Emmanuel Macron durant sa présidente tournante de l'Union européenne. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février viendra perturber son projet. Le voilà alors immergé au sein de la cellule Diplo de l'Élysée. 3 ans plus tard, la tentative d'humiliation du président ukrainien Volodymyr Zelensky par Donald Trump le 28 février 2025 dans le bureau ovale, on le rappelle, convainc l'ex-présentateur de Capital de réitérer l'expérience et une nouvelle fois, l'Élysée accepte d'ouvrir ses portes. C'est un film très intéressant pour les concours, pour comprendre les enjeux diplomatiques et la bataille des Français et des Européens face à la menace Trump et à la Russie, à regarder sur France Télévisions. Après plus de 350 heures de débat à l'Assemblée, Sébastien Lecornu a choisi le 49-3 pour faire passer le budget. L'heure du monde dissèque pour nous ce texte complexe. Que contient ce budget maintes fois remanié ? Qui sont les perdants et les gagnants de ce nouveau passage en force ? Dans l'épisode Autopsie d'un budget adopté par 49.3 du podcast L'heure du monde, Denis Cosnard, spécialiste des questions de politique économique au Monde, décrypte la copie budgétaire du gouvernement et notamment les concessions faites aux oppositions dans les dernières négociations. Et on reste au journal Le Monde avec leur correspondant à Pékin. Si vous lisez ce canard, vous avez sûrement déjà vu le nom de Frédéric Lemaître. Il a vécu de 2018 à 2023 dans l'Empire du Milieu. Dans son nouveau livre « 5 ans dans la Chine » de Xi Jinping, le reporter éclaire de son point de vue la société chinoise et son évolution. Certes, la croissance ralentit, le chômage augmente et l'hypothèse d'une guerre autour de Taïwan inquiète. Pourtant, la majorité des Chinois a le sentiment d'habiter dans un pays où il fait bon vivre. Un livre très intéressant pour les concours. Il est temps de vous parler de l'EJT, notre école. Alors qui de mieux qu'une dernière année pour en parler avec suffisamment de recul ? Apolline, tu es étudiante à l'EJT en 3e année en alternance à Radio France. Présente-nous l'école en toute franchise. Alors la première particularité de l'EJT, c'est que c'est une école en 3 ans, ça veut dire que les cours sont quand même assez chill, on a le temps d'avoir une vie à côté. Ça veut aussi dire qu'on a plus de temps pour faire des stages et qu'on a surtout un avantage. En fait, quand on candidate pour des alternances en 2 ans, comme avec Radio France par exemple pour moi, on a un peu plus d'expérience que les autres candidats. La spécialité, elle commence en milieu de 2e année, donc on a le temps de survoler les différents médias avant de choisir entre presse écrite, radio et télé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles, elles ont souvent des médias de prédilection. Et à Toulouse, c'est vraiment la télé. Il y a beaucoup de matériel, les étudiants, ils sont aidés pour préparer les bourses, etc. Et en radio et en presse écrite, on est un peu plus livrés à nous-mêmes. D'une manière générale, même si on est assez proche de la direction et qu'on peut discuter quand on a besoin avec le directeur, il faut être préparé à être assez autonome dans ses recherches de stage, savoir se faire des contacts par soi-même, etc. Mais globalement, je dirais que c'est une école qui a plutôt bonne réputation. Elle est connue dans les rédactions, elle gagne des prix. Et dans cette école, je pense avoir appris beaucoup de choses et je me sens plutôt préparée à devenir journaliste. C'est la fin de ce 10e épisode d'ActuVu. On espère qu'il vous aidera. Merci à Guizane et ses fluos, à Daniel, Nina, Corentin, Mathéo et Elsa. Bon courage pour la préparation au concours. N'hésitez pas à nous faire des retours sur Instagram et rendez-vous samedi prochain avec encore plus d'ActuVu.